chacun sans regret. Ce sont des murs qu'ils construisent à la main. Ils chassent le doute toujours un peu plus loin. Ils concluent bien quelques rares armistices et les armes retournent dans leur fourreau. Une étincelle est soudain ils blêmissent, fiers et idiots comme des taureaux. Tout cela m'agace sans cesse. Ils sont l'ivresse de ma détresse. Tous ces visages ne sont pas sages. À mon image, ils sont sauvages. Ils restent ensemble, parlant chacun leur langue, donnant au mot un sens multiple et beau. Ils se déchirent après bien des harangues, feignant de croire que c'est l'autre qui dit faux. Il arrive qu'ils se jurent fidélité, promesse facile de jeunes insouciants. Il déprime au bout de quelques années, lorsque leur cœur est plein de dénuement. Tout cela m'agace sans cesse. Ils sont l'ivresse de ma détresse. Tous ces visages ne sont pas sages. À mon image, ils sont sauvages. À quoi vous croire tant? Personne n'est gagnant, ni les hommes ni les dieux. Ils deviennent parfois prudents en vieillissant, là de combattre pour l'un ou l'autre camp. Ils s'effraient tous de la fuite du temps, des forces perdues de la fin approchant. Mais au final, il reste surtout l'étrangeté d'avoir vécu dans un écrou de sûreté. Il n'y a plus que l'impression bizarre d'avoir échappé au jeu du hasard. Cela m'agace sans cesse. Ils sont l'ivresse de ma détresse. Tous ces visages ne sont pas sages. À mon image, ils sont sauvages. Tout cela m'agace sans cesse. Ils sont l'ivresse de ma détresse.